Alors avant de plonger dans cet évangile, quand même quelques mots sur ce grand, grand personnage qui est Saint-Louis Grignon, puisque c'est ça son vrai nom au départ, hein, nom de baptême, il s'appelait Louis, avec bien sûr le prénom Marie derrière, comme très souvent on a collé le prénom Marie. J'espère que certains d'entre vous ont ce prénom dans leur prénom. Louis-Marie Grignon, hein, du nom de son père, qui était un avocat breton, et qui était un homme extrêmement dur. Alors il a une mère très douce, il naît à Montfort-la-Canne, en plein milieu de la Bretagne, et il va y vivre très peu de temps, il va simplement être baptisé, bien sûr, dans les premiers jours, à Montfort, dans l'église de Montfort, et il va y vivre très peu de temps, puisque très vite il va être emporté par une nourrice qui va le faire grandir quelques temps, qui va le sevrer. Avant de rentrer dans sa maison, chez ses parents, il sera l'aîné d'une famille de, je crois, 18 enfants. Hein, vous voyez, c'était la grande époque où on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et très vite, Grignon va apprendre, déjà sur les genoux de la nourrice, mais sur ceux de sa mère ensuite, la prière, l'amour de Dieu, les grandes vérités de la foi. Et c'est un garçon qui a une intelligence prodigieuse. Une rapidité pour apprendre et pour comprendre les choses, vous voyez, déjà, on voit quelqu'un d'extraordinaire. Alors il va apprendre tout ça sur les genoux de sa maman, et d'un côté il a un père très dur, de l'autre côté une mère très douce, et dans son petit cœur, eh bien, va naître un grand désir de devenir prêtre. Alors avec un amour pour la Vierge Marie, la Mère du Ciel, depuis sa plus tendre enfance, il veut devenir prêtre, ça va être très difficile de faire accepter ça par son père. Et finalement, son père accepte de le laisser partir à Paris pour faire ses études à Saint-Sulpice. Vous savez, c'était le grand séminaire de l'époque. C'était encore les débuts des séminaires. Et vous aviez ce grand séminaire de Saint-Sulpice encore sous l'influence du cardinal de Bérulle, qui avait été le fondateur, et donc avec un grand rayonnement spirituel. Il arrive à Saint-Sulpice. Alors, pour aller à Saint-Sulpice, son père accepte de lui offrir un cheval. Mais lui n'en veut pas. Lui veut être pauvre. Et depuis toujours, il cherche à vivre très pauvrement. Il va à Saint-Sulpice, voyez-vous, de Montfort-la-Canne jusqu'à Paris, pieds nus. Et ça sera toute sa vie comme ça. Voyez le type d'énergumène. Un homme qui vit dans une pauvreté absolument radicale, qui est toujours, toujours à côté un petit peu de l'esprit du temps. Et bien sûr, quand il est à Saint-Sulpice, il est un petit peu dans son coin. Les autres séminaristes le regardent un petit peu de manière bizarre. Il a sa soutane qui est toute crasseuse, qui est toute rapiécée en permanence. Et puis, il vit pieds nus à Paris. Alors, de temps en temps, quand même, il met des chaussures pour éviter qu'on le regarde de trop. Mais, vous voyez, il est totalement inadapté au canon du monde habituel. Il est tellement imbibé de ce désir de vivre l'Évangile jusque dans les choses très concrètes de la vie. Alors, voyez-vous, il s'ennuie beaucoup auprès de ses congénères, hein, les autres séminaristes de Saint-Sulpice. Le seul moment où il retrouve un petit peu de joie, c'est quand il va faire le catéchisme aux enfants pauvres des faubourgs parisiens. Alors voilà, cet attrait pour la pauvreté, pour les pauvres. Et puis, vous voyez, on le voit de temps en temps se promener dans les quartiers malfamés de Paris. Vous imaginez Pigalle, etc. Et il rentre dans les maisons closes. Un séminariste en soutane qui rentre dans une maison close, pourquoi faire ? Eh bien, pour se mettre à genoux au milieu de la maison close, alors qu'on s'ébat à gauche et à droite, et dire le chapelet. Vous voyez, le genre de bonhomme. Et puis, il va être responsable de la bibliothèque de Saint-Sulpice. On imagine cette bibliothèque très riche, et extrêmement fournie en tous les ouvrages de l'époque et d'avant. Bien sûr, il a tout lu. Il lit toute la bibliothèque, en particulier tous les ouvrages de spiritualité, mais aussi les pères de l'Église. Et il va donc s'enrichir d'une connaissance doctrinale extrêmement solide, qui fait qu'il va devenir un des érudits les plus grands de son temps. Totalement inconnu, bien sûr, parce qu'il ne cherche absolument pas à briller, il n'écrit pas de grands livres pour se faire connaître. Non, non, tout est orienté vers la mission auprès des pauvres. Donc cette instruction extraordinaire qu'il a, il va la mettre au service de Jésus-Christ chez les pauvres, chez les petits. Dès qu'il est ordonné prêtre, il a 27 ans, en 1700, il demande à pouvoir partir en mission. Il veut aller à l'autre bout du monde. Il est impressionné par les grands missionnaires depuis son enfance. Il veut suivre Saint-François-Xavier en Chine. Il veut aller à l'autre bout de la terre. Et puis, ça ne va pas pouvoir se faire. Alors, il va aller de diocèse en diocèse. Et pendant 5 ans, il va être rejeté complètement de tous les diocèses de France. Parce qu'il est inclassable. D'abord, on lui confie une mission à Paris. On lui propose d'être l'aumônier de l'Hôtel Dieu. Et puis, il fait tellement de choses, il convertit tellement de monde qu'il devient un gênant. Alors on l'éloigne de l'Hôtel Dieu, il va vivre sous un escalier à la rue, je ne me souviens plus le nom de la rue, petite rue dans Paris, on voit bien la porte d'entrée de cet immeuble dans lequel il va vivre sous la cage d'escalier. Vous voyez, il n'a rien. Il vit sous la cage d'escalier et là, il va écrire, sous cette cage d'escalier, rejeté de tous, il va écrire un traité magnifique, le traité de la sagesse, incarné, qui va être comme une base, doctrinale très forte dans laquelle il va donner la quintessence de ce qu'il a compris de la sagesse. Alors il va ensuite prêcher, finalement, il va aller jusqu'à Rome, pieds nus, bien sûr, comme d'habitude, pour demander au pape que le pape l'autorise à être missionnaire, à partir de l'autre côté du monde, pour être en mission. Et le pape va le renvoyer en France en lui disant « Retournez voir les évêques qui vous ont rejeté, en leur disant que vous êtes missionné par le pape pour être missionnaire en France. » Alors lui, tout décontenancé, retourne en France, et il va vers les diocèses de La Rochelle, de Nantes, et là, il va commencer à faire des missions mandatées un peu par le pape. Et donc, les évêques vont lui permettre de missionner. Il va faire 150 missions dans les quelques 16 années de ministère sacerdotal. Vous voyez, 150 missions. Ce sont des missions de... Vous voyez, ce n'est pas 3 jours. Il reste 4-6 semaines, c'est des missions paroissiales. Il arrive dans les paroisses et pendant 4-6 semaines, avec plein de prêtres, il prêche, il confesse. Et c'est extraordinaire, à chaque fois qu'il arrive quelque part, à peine a-t-il ouvert la bouche que tout le monde se met à pleurer et que le confessionnal se remplit de gens qui veulent se confesser. Alors il va prêcher comme ça pendant 16 ans, tantôt en se mettant en retraite pour écrire, tantôt en prêchant. Il va chercher à fonder aussi une petite communauté de missionnaires avec ce grand désir de fonder les missionnaires, les apôtres des derniers temps, ce qu'il a reçu comme révélation de Dieu, avec cette doctrine extraordinaire qu'il va avoir, qu'il va transmettre du rôle de Marie dans les derniers temps. Alors, vous voyez, Grignon de Montfort, c'est non seulement un érudit, quelqu'un d'extrêmement profond, spirituel, mais en plus quelqu'un qui va avoir une relation extrêmement forte avec la très sainte Vierge Marie. Étant seul, rejeté de tous, il va s'attacher à la Vierge d'une manière tout à fait extraordinaire. Et elle va devenir son tout, comme l'atmosphère de son âme, la tenancière de tout son être. Elle va s'occuper de tout dans sa vie et il va tout lui remettre, absolument tout, ayant bien compris avec toutes les études qu'il a faites que le secret de l'Église, le secret de l'évangélisation du monde, le secret de l'action de Dieu dans les âmes, c'était elle. Et il va le prêcher. À chaque mission, vous voyez, le but de la mission, c'est toujours le renouvellement complet de la vie baptismale. Tout est dans le baptême, nous le savons. Le renouvellement complet de la vie baptismale. Et ça se conclut toujours par une consécration totale, pleine et entière, à Marie. Et il va enseigner donc là, ce qu'il appelle la vraie dévotion à Marie, avec ces 2 textes que nous connaissons. Bien sûr, il a écrit d'autres choses sur elle, mais nous les avons perdus. 2 textes qui avaient disparu pendant la Révolution, et que lui-même avait prophétisé, puisqu'il faisait énormément de prophéties, il avait prophétisé qu'on retrouverait dans un coffre ces textes, au milieu d'un champ. Et c'est ce qui s'est passé. Ces manuscrits avaient été cachés dans un coffre, dans un champ, pendant la Révolution française. Manuscrits dangereux, puisqu'ils étaient extrêmement puissants. Et on les a retrouvés, ça faisait partie de tout un corpus d'enseignements qu'il faisait pendant ses missions. Et donc, ces manuscrits sont le secret de Marie, qu'il avait écrit pour une religieuse, et bien sûr le traité de la vraie dévotion à Marie. Il y a encore bien d'autres textes que Saint-Louis-Marie de Grignon de Montfort a écrit, et qu'on peut trouver dans le livre d'or de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Tous ces textes sont d'une splendeur, d'une érudition et surtout d'une simplicité. Entièrement plongé dans l'Écriture sainte. Plus même que certains grands-pères de l'Église, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort était pétri d'Écriture sainte, ce qui était assez rare encore à l'époque. Alors, voilà, ce grand missionnaire que nous avons, qui a été rejeté toujours de partout, parce que, vous voyez, il gênait trop. C'est comme Jésus aujourd'hui, vous voyez que nous le voyons sous la colonnade de Salomon dans le temple, et là les Juifs le font cercle, se mettent autour de lui pour l'empêcher d'aller et venir en lui disant « Alors, si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement !» Et Jésus leur répond « Mais je vous l'ai déjà dit. Le problème, ce n'est pas que je ne vous l'ai pas dit, c'est que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas, vous n'arrivez pas à croire. Et pourquoi vous ne croyez pas? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis, vous n'êtes pas de mon bercail. » C'est la suite de l'évangile que nous avons lu dimanche. Vous n'êtes pas de mes brebis, vous ne pouvez pas croire. Vous êtes d'un autre troupeau. Vous suivez un autre Dieu que le vrai Dieu. Donc vous ne pouvez pas me comprendre si vous ne me croyez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas que je suis le Messie. Et alors, vous voyez, il y a tout ce discours, et Jésus va terminer avec cette petite parole extrêmement puissante, totalement déconcertante pour ceux qui sont là, qui pour eux est un blasphème terrible, lorsqu'il dit « Voilà, mon Père m'a donné ses brebis, les brebis qui sont de mon troupeau. Personne ne pourra les arracher de la main de mon Père parce que mon Père est plus grand que tout. » Et il ajoute « Le Père et moi, nous sommes un. » Et alors là, frères et sœurs, dans les oreilles de ces Juifs, c'est une déflagration. Voyez, il fait bien sûr référence à ce grand texte du Deutéronome que les Juifs répètent et répètent et répètent et répètent. Shema Israël, Adonai Olenu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Écoute Israël, le Seigneur, Adonai Elohenu est notre Dieu. Adonai, Dieu, est un. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il y a un seul Dieu, mais il est unifié. Vous voyez, il est unifié. Trois fois Dieu, Adonai, Elohim, Adonai, Dieu, Dieu, Dieu, est un. Nous avons déjà une annonce de la Trinité, et Jésus dit, voilà, moi et le Père, nous sommes un. Donc ce que vous dites sans cesse, moi je le vis, dans mon être profond, dans ma personne divine que je suis. Alors aujourd'hui, nous relisons cela et nous comprenons toute la sagesse que Jésus portait et qui nous est confiée. Alors, sous le regard de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, demandons au Seigneur pour nous de croire vraiment, d'être vraiment des brebis de son bercail. Nous le sommes déjà, bien sûr, mais que nous soyons vraiment dans son bercail et que nous nous laissions enseigner par lui, par sa sagesse incarnée, le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.